Présente-moi comme un gosse sur le sol africain. Présente-moi comme un dictateur qui met en scène ce magicien. Présente-moi comme un voleur qui part en mission pour du blé. Présente-moi comme un jeune qui n'a plus peur de se lever. Présente-moi comme un homme battu par sa femme. Présente-moi comme un retraité qui s'approche à grands pas des flammes. Présente-moi comme un handicapé qui réussit sa vie. Présente-moi comme un hors-la-loi qui effraie la petite Marie. Présente-moi comme un incompris qui veut se faire entendre. Présente-moi comme un grand frère qui veut entreprendre. Présente-moi comme un génie qui veut s'accrocher au fil. Présente-moi comme un noir qui vend du baril. Présente-moi comme une info ou une intox. Présente-moi comme une cure de désintox. Il faut de tout pour se présenter. Chacun de nous a sa part qu'il ne faut pas plaisanter. Regarde autour de toi, nous sommes ce que nous sommes. Et l'humain porte sa fierté et courage en somme. En somme, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Regarde autour de toi, nous sommes ce que nous sommes. Et l'humain porte sa fierté et courage en somme. En somme, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Présente-moi comme un nazi qui récite le chant d'Hitler. Présente-moi comme une arme qui veut renverser ton cimetière. Présente-moi comme le premier qui rabaisse les derniers. Présente-moi comme le dernier qui passe devant le premier. Présente-moi comme un maître qui enseigne l'élève. Présente-moi comme un élève qui vient de dépasser le maître. Présente-moi comme le sauveur d'Ingrid Betancourt. Présente-moi comme un escroc qui prend la relève de Rocancourt. Présente-moi comme un homme fidèle trompé par sa femme. Présente-moi comme un homme seul depuis qu'il a pété sa femme. Présente-moi comme un cinglé qui a recours au psy. Présente-moi comme un mort qui passe devant l'autopsie. Présente-moi comme un sportif de haut niveau. Présente-moi comme un MC dont le blaze est gros mytho. Présente-moi comme un drogué qui bouffe un boulet de drogue. Présente-moi comme un malade qui veut de l'or. Regarde autour de toi, nous sommes ce que nous sommes. Et l'humain porte sa fierté et courage en somme. En somme, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Regarde autour de toi, nous sommes ce que nous sommes. Et l'humain porte sa fierté et courage en somme. En somme, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Présente-moi comme un clochard parisien qui survit aux Champs-Élysées. Présente-moi comme un produit dont la date est périmée. Présente-moi comme un éléphant enfermé dans un zoo. Présente-moi comme un artiste qui conduit le pinceau. Présente-moi comme un guerrier qui met en péril sa vie. Présente-moi comme un survivant qui a subi le tarmi. Présente-moi comme un CD qui veut se faire écouter. Présente-moi comme un artiste qui voit son chef-d'œuvre s'écrouler. Présente-moi comme un guerrier qui surveille les petits frères. Présente-moi comme un courageux qui vient de sortir de la misère. Présente-moi comme un roi qui a du grand cœur. Présente-moi comme un vaincu qui a de la rancœur. Présente-moi comme une monnaie qui est une délivrance. Présente-moi comme une blague qui est délirante. Présente-moi comme une image qui a du sens. Présente-moi comme un vécu qui a de l'endurance. Regarde autour de toi, nous sommes ce que nous sommes. Et l'humain porte sa fierté et courage en somme. En somme, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Regarde autour de toi, nous sommes ce que nous sommes. Et l'humain porte sa fierté et courage en somme. En somme, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes.